El punto de vista científico occidental mecanicista se basa en una comprensión del mundo como si estuviera compuesto por entidades distintas y separadas. Como si él était composé d'entités distinctes et séparées. Los átomos, las rocas, las plantas, los seres humanos. Les atomes, la roche, les plantes, les êtres humains. Pero el planeta sistémico y sinérgico. Mais la planète est un système en synergie. Somos sistemas entrelazados y la vida siempre se auto-organiza. Nous sommes un enchevêtrement de systèmes et la vie s'auto-organise en permanence. En sistemas de redes fluidas y abiertas, en las cuales las varias partes trabajan las unas con las otras. En permanence, sous forme de réseaux fluides et ouverts, au sein desquels les différentes parties travaillent, les unes avec les autres, avancent les unes avec les autres. Pueden las unas con las otras. No trabajan en contra las unas de las otras. No tienen sentido en sistemas de dominación. Et ne travaillent pas les unes contre les autres, et ne possèdent pas un sens de la domination. Les systèmes de vie évoluent avec une flexibilité. Los sistemas de vida evolucionan con flexibilidad, abriendo sus entornos a corrientes de materia, energía e información. Et ouvrent leurs environnements à des courants de matière, d'énergie et d'information. Absorber la tristeza y atravesar la desesperación. Absorber la tristesse et traverser le désespoir. Con ternura radical. Avec une tendresse radicale. Con sororidad. Avec la sororité. Con amor luminoso. Avec un amour lumineux. Con ingenio, humor y creatividad. Avec inventivité, humour et créativité. Sin miedo a decrecer, sin miedo a cambiar, sin miedo a probar cosas nuevas. Sans peur de décroître, sans peur de changer, sans peur d'expérimenter de nouvelles choses. Esta semana de ondas salvajes, futuropías feministas, hemos soñado todas juntas con las partes oscuras de las tecnologías. Cette semaine d'ondes sauvages et de futures utopies féministes, nous avons raisonné avec la partie obscure des technologies. Hemos compartido nuestras estrategias y tácticas de resistencia. Nous avons partagé nos stratégies et nos tactiques de résistance. Y hemos deseado y pensado en todas las tecnologías que nos merecemos. Et nous avons désiré et pensé à toutes les technologies que nous méritons. La tecnología que nos gusta y que queremos compartir es la que diseña, desarrolla, distribuye y sueña tecnologías que brindan bienestar y buen vivir. La tecnología que nous aimons y que nous désirons partager es celle qui dessine, qui développe, qui distribue et qui rêve. Ce sont des technologies qui fournissent le bien-être et le bon vivre. Las que no perpetúan o crean más injusticia. Ce sont celles qui ne perpétuent pas l'injustice. Versionar la revolución ética y política en pos de la soberanía alimentaria. Créer des récits d'une révolution éthique et politique qui lutte pour la souveraineté alimentaire. Crear y consumir productos justos y de cercanía. Pour créer et consommer des produits justes, éthiques, qui rassemblent. Las tecnologías apropiadas son las que se desarrollan en una comunidad que elige el nivel o el grado de tecnologías que necesita. Les technologies appropriées sont celles qui se développent au sein d'une communauté qui choisit le niveau et la qualité des technologies dont elle a besoin. Y que toma en cuenta las maneras y los procesos de desarrollo para poder caminar hacia tecnologías liberadoras. Et qui prend en considération les manières et les processus de développement pour aller de l'avant avec des technologies libératrices. Juntas, hemos hablado de las tecnologías apropiadas como eco resonante de ese horizonte utópico hacia el cual queremos caminar. Ensemble, nous avons parlé des technologies appropriées qui résonnent en écho avec l'horizon utopique en direction duquel nous voulons avancer. Seguimos con ganas de ir a ese lugar donde se hablan idiomas desconocidos, vocabularios que no existen, gramáticas que no encajan. Nous poursuivons avec l'envie d'atteindre ce lieu où se parlent des langues inconnues, des vocabulaires qui n'existent pas et des grammaires qui ne formatent pas. Quedan tantos mundos por crear. Il reste tant de mondes à créer. Para tumbar el capitalismo alien, tenemos que poder imaginar futuros que no sean distópicos. Pour faire chuter le capitalisme, nous n'avons qu'à imaginer des futurs qui ne soient pas dystopiques. futuros en los que jugar a construir nuestras tecnologías apropiadas sea común y felizmente banal. Des futurs dans lesquels nous pouvons jouer à construire nos propres technologies appropriées. Esta sesión va por nosotras, por todas, con cariño y amor. Mandamos estas ondas salvajes a las compañeras Lucía, Joana, Inés, Nadesh, Constanza, Bulwark, Sophie, Liliana, Jara, Femke, Nimeria, Edme, Jess, Paranamu, Itzel y las compas de Acción Directa Autogestiva. Cette session va pour nous toutes, pour toutes. Avec amour, avec tendresse, nous envoyons des ondes sauvages à Lucia, Joanna, Inès, Nadej, Constanza, Bulwark, Sophie, Lily, Lilianas, Yara, Femke, Jess. Et para Anambu, Itchel y las compas de Acción Directa Autogestiva. Autogestiva. Autogestiva. J'espère que ce soit trop petit. Lisa, tu veux le fermer? Ouais. C'est attends, je suis à l'envers. Attends, c'est pas ça. Voilà. Ça s'est emmêlé? Non? Non, je pense pas, c'est parce que ça allait un peu vite. Bon, c'est pas très grave, hein, cela dit. Okay. Marche arrière. C'est, t'as un bouton qui retourne. Voilà, faut le faire plusieurs fois. Très bien. Voilà, tu peux la remonter même encore, si t'as besoin. Je le coupe devant. Ah oui. Là, là. Tu peux le passer dedans. Mais sinon, je prends des ciseaux en général. Oui, je l'ai pas attaché au bout. Ok. Ça a marché? Ouais, ça marche. C'est surprenant d'avoir une machine complètement automatisée. Moi, j'ai une vieille singère qui était à mon arrière-grand-mère, donc le truc ça va. Rudimentaire. Thank you. et lire un truc sérieux. Vous connaissez la narration collaborative selon protocole ? Non ? Non. J'ai pas entendu, vous dites non ? Non. Non. Non. Non. Non. C'est un protocole d'écriture. Ça peut se développer quand on se sent libre de penser. Mm-hmm. Et de parler. Ça fait partie des technologies féministes. C'est tiré au sort parmi des rêveries spéculatives. Une espèce d'ambition douce du futur. Et c'est imaginer la veille, avant de se mettre en action, de passer à l'écrit. Et il y a un deuxième tirage au sort qui détermine qui écrit le premier paragraphe, le deuxième, le troisième, etc. jusqu'au dernier. Donc là, vous nous entendez. Et à côté de nous, d'autres écrivent. Il y a un minuteur qui démarre. Et en 7 minutes... C'est court. C'est très court. 7 minutes. La compétition de tir à l'arc, quelle horreur! Elle en avait encore des frissons. Elle s'était fait rattraper de près par sa concurrente. Et mince, c'était passé. Marlène Mary courait. Courait jusqu'à chez elle à l'enragée. Ah ! Elle hurlait dans la rue, dans la ville, dans l'espace. Encore, elle s'était tue. Encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, elle devait encore se taire. Mais pourquoi ? Elle crut de plus en plus vite jusqu'à arriver chez elle. Chez elle, devant son portail. Elle reprit son soutif, Coco et Sadie avaient passé du temps ensemble après tout le drame de l'alambic 16 et du mémo flash. Au final, elles étaient plus heureuses ensemble que seules dans leur coin. C'était comme ça. Il fallait juste le reconnaître. Let it fucking go. Depuis que les retrouvailles avaient simplement assumé, consommé, elles étaient parties dans un nouveau projet de développement de technologies appropriées. Appropriées. Quelque chose de super utile et qui prolongerait les recherches de l'orchidée symbiotique. Oui. Celle où vous deviez uriner sur votre plante pour développer une relation symbiotique avec elle, hormone tuning. Cette fois-ci, l'idée portait sur une bouture d'orchidée. Coco en avait assez. Marlène Mary courait. Coco en avait assez de tout, du travail, de la famille, de son père, de ses frères, de son patron, de ses amants. Du travail, de la famille, de son père, de ses frères, de ses frères, de son patron, de ses amants. Elle en avait assez. Le principe masculin était trop fort. Elle se peignit les ongles, se superposait sur les fondations, le mascara, elle se rasait les jambes, les bras et avait trop peur pour marcher seule la nuit. Le masculin limitait ses histoires intérieures et son existence extérieure. Thank you. si sa vie n'était pas cybernée? Et si sa vie n'était pas cybernée? Et si sa vie n'était pas cybernée, beaucoup de choses seraient plus simples. Si elle laissait un peu plus de place, un peu plus de temps, tout serait plus simple. Il aurait fallu oser aussi. Oser ouvrir sa gueule de temps en temps. Coco se sentait un peu con. Un peu rachitique, un peu rien du tout. Elle n'osait même pas regarder la petite orchidée posée sur la table du salon. Elle aussi, elle semblait rachitique. Pas assez nourrie, pas assez rassasiée. Coco avait faim. Coco avait faim. Ça lui bouillonnait dans le ventre. Ça lui bouillonnait dans le ventre. Elle avait faim. Elle avait faim. Elle en avait assez. Comme un orage, ça lui bouillonnait dans le ventre. Et elle avait une boule dans le ventre. Ça lui serrait la gorge aussi fort. Et si elle avait... Non. Elle se reprit. Elle rentra en colère contre elle-même. Comment avoir perdu pouvait lui faire ressentir quelque chose d'aussi déconcertant, d'aussi destructeur? La compétition de tir à l'arc. Quelle horreur! Elle en avait encore des frissons. Elle s'était fait rattraper de près par sa concurrente et mince, c'était passé, elle l'avait eu et Sadie avait perdu. Et elle s'en rongeait les seins. Et elle avait poussé et s'était entraînée pendant des mois pour ça. Pire perdre. Incroyable, frustrant, énervant. Dans un bar et a parlé à une femme, l'amie d'une amie, et on lui a passé un sac de feuilles et de graines. Elle n'a pas eu à payer, mais plutôt à les ramener chez elle et à les planter. Et quand elles ont grandi, en 7 jours, elle a coupé les feuilles et fait une infusion. A cuit l'eau, a fait du thé et l'a bu. Après qu'elle ait commencé à rire et à pleurer, elle ne savait pas laquelle. Des larmes coulaient sur son visage, à travers ses cheveux, et elle riait, on pleurait jusqu'à ce que toutes les peurs et toutes les douleurs et les étranglements s'estompent, et ses sœurs l'entendirent et vinrent aussi. Elle ne pouvait que s'émouvoir, et petit à petit, la sororité s'est étendue. La lutte était progressive. Comment interrompre ces sentiments intérieurs? Qui suis et comment? La foule est vague, marmarée. Être une araignée et habiter ce corps, se prendre pour une femme. Mais ça veut dire quoi? De quel côté se mettre les théories fascisantes d'être une femme, d'enrôler ce rôle? Un jour, quelqu'un s'était retourné sur elle et dans une soirée habillée, tu es complètement à côté de la plaque. De la plaque. T'es complètement à côté de la plaque. Jette tes idées. D'être la petite fille que tu es, anime, actionne autre chose, donne du choix. Tu peux tout être. Nous pouvons tout. Sadie n'avait pas encore tout à fait compris si la taille des programmes à désinstaller dépendait de la quantité de larmes, de leur nature. En tout cas, cela l'avait réconciliée avec ses pleurs. Celles qui la plantaient sur place, celles de colère, qu'elle aurait voulu voir sortir en cri, et même celles qui venaient pour rien. La bouture avait bien pris, et l'orchida vulpoa, grandissant de jour en jour, elle allait bientôt pouvoir en faire une nouvelle bouture pour Coco, pour qu'elle aussi puisse se désencrasser de toute cette merde. Si seulement on n'avait pas intégré ça depuis toujours et même avant. Mais Sadie devait bien avouer que Marlene Mary avait raison. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait super bien. Un tel point que bientôt elle attendait le connard qui allait lui faire péter un plomb pour que ses larmes de rage l'émancipent encore un peu plus, la décrassent. Et elle pensait déjà à tout ce que Coco allait pouvoir désinstaller elle aussi. 14e jour, elle put enfin faire sa bouture. Elle allait lui transmettre enfin. Elle émancipe et libère et est l'antidote de la masculinité capitaliste.

libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Installer le capitalisme et installer le polyamour. Et ça va se faire à l'aide d'une technologie qui s'appelle Fulcan. Comment ? Fulcan. Fulcan. Fulcan. Fulcan. Fulcan. Fulcan ? C'est quoi ? À quoi ça sert ? Fulcan, Fulcan, ça me dit quelque chose, Fulcan ? Fulcan, Fulcan, c'est quoi ? Je crois que je l'ai vu dans un magasin il n'y a pas très longtemps, mais c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ça ressemble à... Une boisson fraîche. Ça ressemble à une canette, genre distributeur, tu vois ? Ah mais oui, une espèce de petit gentil bouchon là, ouais. Un peu en café là. Ah ouais, je veux du café. Ouais, d'accord. Que tu tires. Mais du coup, j'ai pas compris ce qui se passait après. Ouais, mais pourquoi tu la tires? Tu tires quoi? La petite queue. Bah, la petite languette. Qui est en dessous de la canette. En fait, t'as une canette. Avec écrit fou camp dessus. Et tu tires la queue en tire-bouchon de la canette. Et je crois que, en fait, ça te permet de te dégager d'une situation, d'un moment où t'es pas bien. Juste, tu te casses. Genre, bam, stroboscope, écran de fumée, paf, t'es plus là. Tu disparais. Paf. T'es bien. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. En tout cas, il paraît que ça marche. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Pour une fois qu'on n'en faisait pas de la pub, ça attisait la curiosité de Sadie. Et puis de toute façon, elle avait souvent besoin de se déstresser. Alors, une boisson à malaxer en plus de la boire, franchement, au pire, ça aiderait au moins ça. Et puis, bon. L'insidieux de Fulcan, c'est que vous ne savez pas nécessairement si vous l'avez pris ou non. À force de s'envoler, Coco s'était carrément évaporé. Ce qui d'ailleurs l'arrangeait bien pour le polyamour aussi. Entre le travail en laboratoire avec Marlène, Mary et Coco, sa relation avec Sadie et Marlène, Mary, Coco ne savait pas donner de la tête. Ne savait plus où donner de la tête. Vous avez soif? Très, très soif. Je connais quelqu'un qui a très soif. Très très soif. Très soif. Vous avez soif? Je connais quelqu'un qui a très soif, très très soif. Dites Fulcan. Car dans certaines situations, et oui, comment disparaître? Faites ce que vous voulez, cap d'individualité, pour s'extraire. Oui, ça marche, Sadie le savait. Elle en usait avec joie. Et boire, imaginez, en liquide bulle, dans la bouche, dans l'endroit où vous êtes en huis clos, et par également. Vous vous retrouvez avec la mauvaise personne. Désolée, se dit Sadie. Viens-moi en aide. Une canette dans la poche, cet état gazeux, cette boisson. Le temps avec elle. La possibilité de... 3... 2... 1... Disparition. Coco et Dosis s'étaient dit assez souvent entre elles lorsqu'elles étaient dans des étapes un peu plus orageuses de leur incroyablement longue relation d'amour. Fulcan! Amis, en fait, quid de la question, c'était pour ne pas être demandé à quelqu'un d'autre de partir, sinon de pouvoir s'envoler. Sortir d'une situation dans laquelle on est en train de flancher, de se faire défoncer. Vous savez de quoi je parle. C'est quand le sentiment de risque, angoisse et peur te paralyse tellement que tu ne peux pas te mettre à courir, ni faire un pas de côté, ni t'extraire de ce qui se dit quand on te tue à petit feu, quand on t'explose la tête. Oh, direct. Alors oui, Foulcan, ça marche bien et c'est devenu tellement populaire partout que les situations de violence de la vie quotidienne partagent. Quand partager comme ça, quand tu ne peux pas t'extraire, donc qu'est-ce qui restait? Il restait le fait que Foulcan était facile à fabriquer et c'était pas si commun. Le petit liquide bleu, le tire-bouchon rose, à tirer en dessous. Quelqu'un me lit en même temps que j'écris. J'ai des voix dans la tête. Quelqu'un me lit en même temps que j'écris. Facile à transporter ou à ingérer. Et nous, on reformate sous forme de boisson à travers la peau et dans n'importe quel produit alimentaire. Il a l'air tellement si innocent sous ses effets presque instinctifs. Après le succès mitigé du prototype Orchidée Vivapora, Coco et Rosie avaient continué à bosser avec Marlène Mery et avaient pensé ensemble à une nouvelle technologie appropriée. Merde, faute d'orthographe. Qui rappelait ? Qui s'appelait ? Qui s'appelait ? Intéressant quand même. Foulcan. Coco et Rosie ne l'avaient dit assez souvent entre elles lorsqu'elles étaient dans des étapes un peu plus or... Je comprends pas. J'ai pas compris non plus. C'est parce qu'il y a de l'orage. L'orage orageuse, ok. Non, parce que là, on est en train de changer le climat, en fait. Vous le savez pas, mais ça se passe en direct. Hein. Mais c'est parce que ça a de l'impact. Attends, mais c'est un super pouvoir. Bah oui. Foulcan. La. La petite pause musicale. Vous est présenté par Futur Utopie. Oh my God, Becky! Like, oh my God, Becky! Like, really? Yeah, we're at the club. Yeah, we watch it, Becky. Yeah, Becky. Like, oh my God. Uzi Glock machete, lip won't throw a hatchet. We're killing motherfuckers. Just for tall bitches, pornographic stupid bitches. We G.I. Jane, we can gangsta bitches. Got his stomachs out with our third eyes. Uzi Glock machete, lip gloss throw a hatchet. We're killing motherfuckers, we raiding ratchet. Wearing Hugo Boss, that's your later in your casket. We're killing motherfuckers, we raiding ratchet. C'est toujours Futur Utopique. On est de retour. On est de retour. Voilà notre objectif. Ah, attention, c'est invisible. Attention, c'est parti. Mais comment tu désinstalles l'amour romantique? Ah ben ça... Longue histoire. Alors, moi, j'ai essayé. Ça marche pas du tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ah, c'est bien ancré. Hein. Alors, on a deux personnages. On a, ouais, on a deux personnages. On a il. Et on a elle. Et on a, ah non, et on a Yel. Ah ouais. On a trois personnages. On a Coco, Baz et Belle. Okay. On sait pas ce que c'est, mais en tout cas, on sait que c'est agréable au toucher. Agréable? Quoi? L'amour romantique? Non. Ou les automassages? Bah voilà. Non, le papier calque. Les robes en papier calque. Ah. Par voix orale. Hein. L'amour romantique? Ou le papier calque? Les deux. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Ouh. Et on vous a déjà dit que ça servait à communiquer avec les morts encore comptables? Ouais. Donc ça sert à désinstaller l'amour romantique et en option, il y a communication avec les morts. Mais c'est acceptable. Que... Non mais je comprends, hein. Je comprends pourquoi on en a besoin, parce que moi je peux pas faire tout ça toute seule. Hein. L'amour est mort. L'amour est mort. L'amour est mort. L'amour est mort. L'amour est mort. L'amour est mort. L'amour est mort. Avec qui t'as eu du sexe volontaire, sexe. Voulu, consentant. L'amour romantique? Bah, ça savait plus ce que c'était. Au moment où Coco avait dit le mot romantique, c'est-tu être romantique? Les yeux qu'il fit et elle parle. parle-moi d'amour. Tu raffiches, j'ai une fille brune avec une sorte de rouge à lèvres très brillant, le cheveu très long, attendant un bouquet de fleurs. Bah, se dit les fleurs. Il avait fait une nouvelle expérience et il s'était touché, massé, fluidifié les sens, alors que au moment du mot romantique, il avait cligné des yeux et bam, il ne comprit plus un mot. Il ne comprenait plus un certain langage. Il sourit et attendit que ça passe. Mais pas griffe, c'est un truc que tu peux pas voir, mais qui te permet de communiquer avec tes morts, mais quand ça fait pas trop longtemps qu'ils sont partis en fait. Ça fonctionne pour tous les morts, je crois. Bah, que t'as connu. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, avec qui t'avais eu du sexe. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, t'as eu du sexe consentant et tout, ça s'est bien passé. Et tu communiques avec eux quand ils sont morts, et là, ils te disent, bah en fait, non, c'est pas romantique. Mais c'est pas grave, c'est ok. Ah, ok. C'est ok. Mais en fait, c'est. C'est ok. C'est pas romantique, mais c'est ok. C'est pas romantique, mais c'est ok. Mais c'est de l'amour. Coco lui manquait, bien sûr, mais est-ce que ça, c'était vraiment de l'amour de sa vie? Et d'abord, qu'est-ce que ça voulait dire? Rien. Coco, elle en avait eu plein, des amoureux et des amoureuses. Ça la faisait marrer, elle les aimait tous et toutes, comme elle avait aimé Baz. Lui, il n'y avait pas cru au début. Merde, qu'est-ce qu'elle lui manquait? Il voulait encore d'elle, encore un bout d'elle. Encore un bout d'elle. Non, mais sérieusement, l'amour de sa vie, c'est pas vrai comme truc, non? Enfin, je sais pas, moi j'y crois pas du tout. C'est un peu flop-flop comme truc. Bah non, je sais pas, j'ai l'impression déjà que dans ma vie, il y en a tellement plein. Enfin, je veux dire, je vais pas m'illusionner non plus, quoi. Ras le cul qu'il y en ait qu'un seul. Ras le cul. Il en faut plusieurs. Il en faut plusieurs. Bah, c'est pas qu'il en faut, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est une vie quand même, merde. C'est plus de plaisir. Plusieurs, il y a plus de. Puis tu vois pas le poids que tu fais retomber sur la personne, quoi. Non mais s'il te plaît. Je t'ai pas entendu. Bah, tu m'as dit quoi? J'ai dit que je voulais pas faire retomber autant de poids sur une personne. Ah oui, prépare-toi. Ouh là là, je vais partir. Bah ouais. Bah ouais. C'est plus simple. En fait, l'amour romantique, Baz ne savait plus trop ce que c'était. La poitrine. La vie brune. Ce sont mes seins. C'est ma voix. Très brillant. Il ne croyait plus en rien. Un soir qu'il marchait, il fourra la main dans sa poche et toucha une petite chose douce et soyeuse. Il l'en sortit et il retourna le petit bout de papier entre ses doigts. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À quoi bon? Et encore? Oh, et puis il se jeta sur la langue. Trois petites étoiles. Quelques heures après, en pleine insomnie, il entendit Coco. Et Coco lui parla d'amour. Parce que la chose la plus importante pour elle, non? Elle lui parla de l'amour universel, celui qu'elle avait toujours voulu mettre en train. Amour universel. Et Coco lui parla d'amour. Parce que c'est la chose la plus importante pour elle, non? Être romantique. Ils avaient des crampes musculaires. Il allait se faire masser, tu vois le genre? Ah. Bon, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, je vais vous raconter l'histoire. Baz n'était pas très fier de lui. À vrai dire, depuis que Coco était morte, il avait dérivé. Il avait erré dans les rues de Bourges sans trop savoir ce qu'il cherchait. Il se sentait vide et incroyablement plein, comme si une énorme boule avait pris toute la place dans sa poitrine. Il avait pris l'habitude de se lamenter sur son sort et de fil en aiguille, il ne savait plus faire que ça. Il ne croyait plus en rien. Un soir qu'il marchait, il fourra la main dans sa poche et toucha une petite chose douce et soyeuse. Il l'en sortit. Et il retourna le petit bout de papier entre ses doigts. Pourquoi pas? À quoi bon? Et encore? Et puis zut! Il se le jeta sur la langue. Quelques heures après, en pleine insomnie, il entendit Coco. Et Coco lui parla d'amour. Parce que la chose la plus importante, c'est pour elle, non? Parce que c'est finalement tout ce dont il avait besoin, lui, maintenant. Elle le savait. Elle avait tout maintenant. C'était tellement plus simple. Elle lui parla de l'amour universel. Elle avait toujours voulu mettre en place dans sa vie terrestre. Et celui qu'elle trouva dans sa mort. Il y a Vanessa qui dit bravo. Vanessa qui dit c'est super. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci. L'amour universel. Il y a Diane qui dit ou ah ah. Ou ah ah. Ah ah. Ou, ah, ah. Ah, ah. Avec une variante ou ah. Une petite pause musicale pour se réveiller, et s'endormir, et se retrouver. Allez. Ouh, ah ah. Merci. Don't you wanna tell me if you're gonna put down your armor? Promise no more drama. Clap my hands, I say I'm no Dalai Lama. Clap my hands, say I'm no Obama. I'm no Osama, Monsanto Pharma. I don't drink no soda, I believe in karma. They try to shut me down, I still got the power. They try to hit me back, I still be that lover. I know my mind. No inhibitions, fear. Cracking your nuts, pistachio. Shake the handlebar, pistachio. Curly on top, Ralph Macchio. Went down, got milk, mustache, yeah, yo. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. makes me chuckle. Loosen your buckle on the double. Face down, dick up, that's my command. Take it like a real woman, not Ayn Rand. Drop, give me 8 inches of pop. Stop, you're gonna numb, you need a lift. Use a thumb or take a fist. Roll with it, Sisyphus. No hissy fit or sissy bit. A gin fizz for every hiss. Now get to biz. Whose juice is this? Whose juice is this? Whose juice is this? Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Balls and dick, 2 balls and 1 dick. Balls, balls, dick, dick, balls and dick. Balls and dick, 2 balls and 1 dick. Balls, balls, dick, dick, balls and dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, balls and dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, balls and dick. Dick, dick, dick. Bonne soirée, mesdames et peuples, les gentils gens de toute l'humanité. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter quelques-unes des technologies du futur, venues des coins de l'esprit des féministes qui voyagent dans l'imaginaire du futur. Notre premier artefact magique est le méméoflash, mais bien d'autres viendront encore. Et en ce moment même, elles se fabriquent dans l'esprit des femmes qui nous entourent. Et elles se font écho à travers les voix que vous percevez. C'est les futurotopies. Vous écoutez les ondes sauvages. Processus. Il y a quelqu'un qui te dérange et se refuse de l'entendre. Cueillir un pissenlit dans la forêt des gros problèmes. Planter la plante dans un pot et écrire sur le pot le nom de la personne qui nous fait chier. Uriner sur la plante. Possibilité de chanter en même temps ou de crier. Attendre une nuit. Le lendemain, la plante pissenlit sera partie avec ses petites pattes et avec ses petits poils tout collants. Et elle se colle sur la personne qui te dérange. Elle se colle. Impossible à décoller. Et légère, elle se fusionne à la peau de la personne et émet une très très très très forte odeur d'épice. Le pissenlit, toute collée au corps de la personne jusqu'à ce que celle-ci arrête résolument de déranger. L'odeur, oh mon Dieu, l'odeur. Ensuite, elle fane et se détache du corps. L'odeur. Maintenant, ça suffit trop de fois que Bass se permet de me baser. Ils et Sadie marchaient dans la forêt des gros problèmes parce qu'elles en avaient marre. Sadie pisse sur la plante. Et elle en profite pour crier toute sa rage accumulée depuis ses jours contre Baz. L'odeur, mon Dieu, l'odeur. Oh mon Dieu, l'odeur. Oh l'odeur. Mais sérieux, quel con! Formidable. La voix devenait libre, léger comme le bleu, léger comme ce liquide léger, odeur, mélange, fluide. Alors, oui, il fallait le dire, il fallait l'entendre. Alors, ce mélange bleu, point, point, le nom, point, la voix était libre, libre, point, libre, point, la voix était libre, libre, point. Répétition. Répétition. Ce mouvement, point, répétition, point. Ah oui, point. Alors oui, le pissenlit, c'était un peu le changement qu'il lui fallait pour tout changer. Les orchidées, c'était chouette, mais un peu sensible au soleil. Froid, température, et etc. C'était bien, mais il fallait un truc un peu plus inclusif, un peu plus facile. Adaptable. Passe par toi, et le pissenlit, c'était ça. C'était ça, oui. À partir de là, on a eu une technique qui nous a permis de tout faire dériver. Des petits dispositifs pour capter l'information, la communication, la connaissance, stockage de nos mémories, collectives, historiques, individuelles, partagées. Alors on a pu, après ça, développer des petits dispos encore plus organiques qui pouvaient être éco-recyclés, éco-digérés. Éco-vibrés. Et ça durait pour toute la vie. Plus besoin de changer tout le temps. C'était comme les chapeaux de l'aéroport. La fonction du pissenlit bleu pissenlit est très simple. Son but est de repousser ceux qui vous dérangent et vous ennuient, qui refusent d'écouter le fait que vous ne pouvez pas les aider et que vous n'avez pas le temps ou les compétences pour le faire et qui vous importunent encore constamment. L'odeur. Oh mon Dieu, l'odeur. Comme si la plante poisseuse et ses petits poils bleus vous rentraient dans la bouche, dans le nez. Dégoulinait de vos cheveux, berçait la pauvre carapace que croyait être votre peau et vous gonflait comme une éponge de sa senteur piquante et grasse. Impossible de s'échapper, vous deveniez l'odeur. L'odeur. Vous deveniez l'odeur. L'odeur. Vous deveniez l'odeur. L'odeur. L'odeur. Étrangement, les vêtements et autres tissus s'imprégnaient pas. À croire que vous deveniez un corps étranger, parfaitement séparé de votre propre monde, de votre lit, de votre fauteuil, de votre maison, isolé. Vous deveniez l'odeur. Vous deveniez l'odeur. Vous deveniez l'odeur. Impossible de s'échapper, vous deveniez l'odeur. Étrangement, les vêtements et autres tissus ne s'imprégnaient pas. À croire que vous deveniez un corps étranger, parfaitement séparé de votre propre monde, de votre lit, de votre fauteuil, de votre maison, formidable. Isolé, sans recours. Formidable. Sans recours. Vous deveniez l'odeur. Vous deveniez l'odeur. Déranger, sentir l'effet, ce son, ce venir, c'est du bleu, ce son, souvenir de la plante, ce souvenir, et arrêter automatiquement, sensation des. De se souvenir et arrêter automatiquement cette sensation désagréable. Vous pouviez le répéter. Cette sensation désagréable. Et stop. Plus rien. Plus rien, juste plus rien. Fermez les yeux. Ceci n'existe plus. Plus. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ceci n'existe plus. Comment prolonger cette sensation de soulagement? La nuit aussi. Allongé et le lit tourne et le nuit aussi. Et la nuit aussi, oh là là. Le pissenlit, c'était tout ça. C'était la possibilité de prendre toutes les relations depuis une perspective non innascible, ni colonisatrice, ni dominatrice, dans une capacité d'être avec les autres, tout simplement, Prendre soin de leur père, sœur, ami, ennemi, kinship, parente. Ils sont là en symbiose avec nous, ils durent toute la vie et on peut les chiffrer avec nos orgasmes qui sont uniques et particuliers. Maintenant ça suffit. Trop de fois que Baz se permet de baser, trop difficile de sortir sa grosse voix et son savoir. Oui, monsieur a de belles idées. Oui, monsieur est allé aux Beaux-Arts. Demain, je lance la plante, le pisse, je sais plus quoi. Je suis un peu impressionnée. Est-ce que c'est pas un peu hardcore? Ok, il est chiant. Mais de quel droit j'ai... Mais quel droit j'ai à imposer à une plante? Mais quel droit j'ai à imposer une plante si invasive? Ah, toujours cette culpabilité de merde. Demain, je serai avec Sadie. À deux. Demain, je serai avec Sadie. À deux. On ne peut plus se raconter la messe. Ça va lui coller sa propre merde. Il sera bien obligé de s'en occuper. Cette expérience, mettre un nom et d'un coup, ne plus jamais être importuné. Venez avec nous. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On vous attend. Vous êtes là? Prends un micro. Vous êtes où, venez? Pizza et Sadie marchaient dans la forêt des gros problèmes parce qu'elles en avaient gros sur la patate. Gros sur la patate. Gros sur la patate. Baz, merde. Baz, quel con celui-là. Baz, va te faire. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix entre la pomme de terre et la patate, et moi je sais pas comment faire. Va te faire foutre. On en a gros là. Avec des patates. Baz. Elles marchaient dans la forêt pour trouver un pisse-ennui et pisser sur leurs problèmes. En fait, voilà, Baz, beaux-arts, gros style de mec, qui se pose pas de questions, chef-d'œuvre ultime, nature parfaite, Baz, quoi. Va te faire foutre, Baz. Il y croyait beaucoup, faire foutre. À sa fiction de mec pas déconstruit. Et il avait foutu la merde, foutu l'ego à terre, marché sur les volontés. Bon, ouais, elles auraient pu gueuler, hein. Mais non, non. En fait, on gueule pas quand on a des pères dieux qui abondent et qui vous disent que c'est votre place et qu'il faut bien fermer sa gueule. C'est ta place, alors tu fermes ta gueule. Alors voilà, quête du pissenlit. Quête du pissenlit pour fusionner la plante avec soi et coller la peau des emmerdeurs, de ceux qui empêchent de marcher droit. Crac, cloc, les pissenlits sont dans la main. Elle les pose dans les petits pots et elle commence le processus. Elle pisse dessus. Pour mixer leur ADN à la plante et elle l'emporte avec elle. Sur le chemin du retour, elles se sentent mieux. Elles savent que ça va aller. Que la technologie est avec elles. La technologie est avec elles. Tout va bien. Que la nature est avec elles. Tout va très bien. La fonction du pissenlit. Le pissenlit est très simple. Son but est de repousser ceux qui vous dérangent et vous ennuient, qui refusent d'écouter le fait que vous ne pouvez pas les aider et que vous n'avez pas le temps ou les compétences pour le faire et qui vous importunent encore constamment. Oui. Oui. Baz ne voulait pas laisser Sadie seule. Elle lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle n'était pas intéressée par lui et il a refusé. L'a brutalisé. Putain, mais Baz, quoi. Il l'a suivi. Il est lourd, hein. Lourd. Casse-toi, Baz. Moi, pas ça. Il l'a suivi longtemps, très très longtemps. Il était sourd à ses demandes. Et ce n'est que grâce à l'utilisation répétée du pissenlit qu'elle a pu s'en débarrasser. De son affection non désirée. C'est une plante merveilleuse qui adhère comme de la colle et la vernit indésirable en dégageant la plus vile des odeurs. Ce n'est qu'une fois que la personne a réalisé les effets de ses actions que la plante flétrit et meurt. Baz a utilisé cette plante avant d'apprendre sa leçon. Pas une. Pas deux. Sept plantes. Il était pas malin le base. Encore. Sept fois la plante. Sept. Lourd, le mec lourd. On en a gros. Putain. Il l'avait suivi longtemps. Patate. Très longtemps. Sept zadibis sur la plante. Lourd, lourd. Et elle en profite pour crier toute sa rage accumulée depuis des jours contre base. Ah, sérieux, mais quel con. Ses regards en coin et la manière dont il traitait Isel. Merde quoi, c'était sa meilleure pote, non? Tu traites pas ta meilleure pote comme ça. Bref, ça c'était de la vieille histoire. Et depuis, Sadie était passée à autre chose. Et elle pensait que c'était de l'histoire ancienne. Mais quand il l'a suivie l'autre jour, tout est remonté d'un coup. Toute la colère accumulée, tous les petits gestes, toutes les petites humiliations. Tout ça c'était devenu insupportable. Il allait comprendre cette fois. Elle avait déjà croisé quelqu'un avec un pissenlit accroché à lui, donc elle savait bien quelle odeur ça dégageait. Et elle n'avait pas rigolé, le base. C'était chouette qu'ils allaient accompagner et soient avec elle maintenant. C'était important, ce soutien. L'odeur. Oh mon Dieu. Quelle odeur. Ah, l'odeur. L'odeur. Ça pue, non? Ça pue, non? Mon Dieu, putain, quelle odeur. Comme si la plante poisseuse et ses petits poils bleus vous rentraient dans la bouche, dans le nez, dégoulinaient de vos cheveux, perçaient la pauvre carapace que croyait être votre peau et vous gonflaient comme une éponge de sa senteur piquante et grasse. Ça pue, non? Ça pue. Ça pue. Ça continue de puer. Impossible de s'en échapper. Vous deveniez l'odeur. Mélange fluide. Alors, qu'est-ce qui pue comme ça? Étrangement, les vêtements et autres tissus ne s'imprégnez pas. À croire que vous deveniez un corps étranger, parfaitement séparé de votre propre monde, de votre lit, de votre fauteuil, de votre maison, isolé, sans recours. Isolé, sans recours. Baz se sent si lointain à présent. Il n'ose plus sortir. Il a trop honte du monstre qu'il est devenu. Tant un mieux paria, pour sa gueule. Un rebut sans place nulle part. Chez toi. Sans recours. Putain. Et si les autres venaient à le sentir, et ils préfèrent éviter. Il bosse à domicile, commande des plateaux repas et passe ses soirées devant la télé. Startup Nation. Bien fait pour sa gueule. It's just not on. Tant pis pour sa gueule. Bien fait pour sa gueule. Ça, c'est bien fait pour sa gueule. Tu prends la suite. Bien fait pour sa gueule. La voix de Vanelli, léger comme le bleu, léger comme ce liquide, léger. Odeur, mélange, fluide. Alors, oui, il fallait le dire. Il fallait l'entendre. Alors ce mélange bleu, le nom, la voix était libre. Libre est la voix. Répétition, son mouvement, répétition, son mouvement. Des petites pattes de la plante restent collées au pissenlit. Restez collées, terminé. Il y a cette liste de noms. Il y avait cette technique de quoi faire. C'était fini. Réussir, c'était terminé. L'éco-digestion, c'était... c'est ce que tu se disais. Base. Base. Base. C'était ce que se disait Itzel. C'est ce que se disait Sadie. Les petits poils tout collants. Ils en avaient tous fait cette expérience. Mettre un nom, et d'un nom, ne plus jamais être importuné. Quel soulagement. Et la plante qui agit, voir ce partenaire avec différents. Cette plante. La bouche est encore. Et il y avait la révélation, puis la nuit. Dormir, lister les noms et d'un coup, ne plus être dérangé. Sentir l'effet, et la couleur. Se souvenir du bleu, se souvenir de la plante, se souvenir et arrêter automatiquement cette sensation désagréable. Oui, vous pouvez le répéter. Désa, désa, désa, désa, désagréable. Désa, désa, désa, désa, désa, désa. Et plus rien, juste plus rien. Ça rime avec bien plus rien. Fermez les yeux, ceci n'existe plus. Comment prolonger cette sensation de soulagement? Allongé, le lit tourne et la nuit aussi. Formidable. La voix devenait libre, léger comme le bleu. Léger, fluide, léger. Mélange de fluide, alors. Bisnuit, ça a un peu été... c'était le changement qu'il fallait pour tout changer. Les orchidées, c'était bien, mais un peu sensible au soleil froid, la température, etc. C'était bien, mais il fallait un truc un peu plus inclusif, un peu plus facile, un peu plus adaptable, un peu plus passe-partout. Et le pisse-nuit, c'était ça. À partir de là, on a une technique qui nous a permis de tout faire dériver. Des petits dispositifs pour capter l'information, la communication, les connaissances, le stockage de nos mémoires, collectifs, historiques, individuels, partagés. Alors on a pu, après ça, développer des petits dispos en plan organique qui pouvaient être éco-recyclés, éco-digérés, éco-urés. Et ça durait pour toute la vie. Plus besoin de changer tout le temps. C'était comme les chapeaux de l'époque. On en avait un et on le gardait. Pareil avec les dispositifs d'information et communication. Ils sont là, en symbiose, avec nous. Ils durent toute la vie. Et on peut les chiffrer avec nos... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qui sont uniques et particuliers. Personne n'a les mêmes orgasmes. Avec cette signature, on pouvait avancer à travers le monde, les plaines, les montagnes et la mer. Et on avait toujours les mêmes dispositifs pour nous informer. C'était tip-top, je suis Lulu. Tip-top, je suis Lulu. À partir de là, tout a dérivé, forqué. On a juste revisité nos standards, nos façons de faire, se voir, se penser. On a juste repensé qu'on ne pouvait pas être un poids pour la planète. Être des personnes qui vivent sous cette terre, sous ce ciel, et savent qu'elles ne sont ni plus ni moins des êtres vivants qui peuvent et doivent prendre soin de leur père, sœur, ami, ennemi, parenté. Le pisse-nuit, c'était tout ça. C'est la possibilité de prendre toutes nos relations depuis une perspective non invasive, non colonisatrice, non dominatrice, dans une capacité d'être avec les autres. Laïa, je voulais juste remercier Mère de Faute d'orthographe qui nous a accompagnés pendant ces 5 jours de travail et de concertation. Merci, merci d'être aussi généreux et d'accepter toutes nos maladresses. Et un merci au Pat de Kéfir qui nous a accompagnés dans tout le processus. Heureusement qu'il y avait ce dispositif super chouette. Et merci à toutes les petites touches d'ordinateur qui se sont fait piétiner par des doigts en colère. Voilà. Et on leur dit au revoir avec la chanson d'hier. Ça ressemble à... Ça ressemble à une enfilée. C'est fait de quoi ? À quoi ça sert ? Ça ressemble à quoi ? Comment tu l'utilises ? Comment tu l'utilises ? Où ça ? C'est pour qui ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Hormone tuning. Hormone tuning. Hormone tuning. Hormone tuning. Hormone tuning. Ça ressemble à quoi? C'est fait de quoi? Ça ressemble à quoi? C'est fait de quoi? Ça ressemble à quoi? C'est fait de quoi? Ça ressemble à quoi? À quoi ça sert? Ça ressemble à quoi? À quoi ça sert? C'est fait de quoi? Ça ressemble à quoi? Comment tu l'utilises? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Quoi tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Comment dire? Comment dire, ce n'était pas là. Ce n'était pas là. Ce n'était pas là. Ce n'était pas là. Comment dire, comment dire, comment dire, comment dire. Ça ressemble à quoi? Oups, objet dans tous les sens. Elle se déconchaîne. Ça ressemble à quoi? Mais de quoi? Ça ressemble à quoi? Mais de quoi? Ça ressemble à quoi? Mais de quoi? Le processus se retourna à la symbiose censée apaiser Joe des effets de la testostérone transforma la plante. Dans tous les sens, se déhancher, rugir, sauter dans tous les sens, rugir. Se déhancher, rugir, rugir, rugir, se déhancher. Comment dire? Comment dire? C'est comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire, ce n'était pas là. Ok, c'est bien de ça comme ça. On écoute de la musique ensemble. Ces gémissements entrent dans le circuit et résonnent. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et tous disparaissent. Ensemble et on s'occupe de nos orchidées symbiotiques. Ça va vachement mieux entre nous, c'est comme ça. Orchidées ensemble, ça fait si. On fait ça des pieds, on fait ça en culilas. On mange mieux du coup, mais on prend les drogues plus douces et naturelles. Bref, ce qui fait du bien à nos orchidées fait aussi bien. Bref, ce qui fait du bien à nos orchidées fait aussi bien. Sans déconner, sans déconner. Et un petit temps d'attente de voir la éclabousse la théière telle qu'elle l'a laissée traîner à côté. Et elle est encore bon pour la vaisselle. Au moins, elle aura évité l'enceinte hors de prix qu'on va laisser un peu plus loin lors de notre dernière répétition. Elliot se dirige vers la cuisine et la théière à la main se met à la recherche de la pipette qui lui permettra de doser les gouttes d'huile essentielle extraites de l'orchidée qu'elle compte mélanger au thé. Ok, ces derniers temps c'est comme ça. On produit de la musique ensemble et on s'occupe de nos orchidées symbiotiques. Ça va vachement mieux entre nous, ça va vachement mieux entre nous, c'est comme ça. Uriner ensemble, c'est désolé, plus de soucis, on fait ça de pied. On mange ensemble, on mange mieux du coup et on prend des drogues plus douces et naturelles. Et naturelles, bref, ce qui fait du bien à nos orchidées nous fait aussi du bien à nous. Maintenant elle se sent un peu conne aussi. Mais ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Oh, ça fait du bien! Ça fait du bien! Oh, ça fait du bien! Ça fait du bien! Wouh! Ça fait du bien! Ok, ces derniers temps c'est comme ça. On produit la musique ensemble, on s'occupe de nos orchidées symbiotiques. ça va vachement mieux en tenue. C'est comme ça, pour rider ensemble, ça désinhibe. Ok. Ces derniers temps, c'est comme ça. On produit de la musique ensemble et on s'occupe de nos orchidées symbiotiques. De la musique étrange avec Obé Elliott. Je sais, ça a l'air pas incroyable, mais des fois ça change comme ça du jour au lendemain. Des fois, on prend tellement dans la tronche que l'on fait pas un pas dans ce côté, un pas dans ce côté, on se regarde de biais et on se dit Bieber, plus jamais ça. Il vit une seule vie ici et maintenant. Alors, dansons, urinons dans nos flaques dorées, entourées de jolies orchidées. Les amis, ça va mieux, non? Ça va mieux. Comment dire? Ce n'était pas là. Alors oui, vous pensiez que ça allait finir mal, que le processus était tombé en plan, que Léon s'était ramassé par terre et que tous ces derniers temps, on produit de la musique ensemble, on s'occupe de nos orchidées symbiotiques. Mais en fait, ça va vachement mieux entre nous. C'est comme ça. Uriner ensemble, ça désinhibe. Plus de soucis. On fait pas de... pipi à côté, on se sent bien. On mange mieux du coup. Et on prend des drogues plus douces, plus naturelles. Et plus naturelles. Bref, ce qui se fait de bien à nos orchidées, ce qui fait du bien à nos orchidées, nous fait du bien à nous aussi. Est une substance naturelle ou fabriquée dont l'absorption produit un effet sur les organismes vivants. Remède confectionné selon une recette d'amateur. La drogue est une substance naturelle. Drogue habituellement dosée et mélangée, drogue de sorcière fabriquée et inventée. Drogue de sorcière. Drogue de sorcière. Aube scintillait dans tous les sens, mangeait, rugissait, des gémissements entrent dans le circuit, résonne plus fort, et tout se disparaît. Quand elle s'en passait la fin, elle tombe gracieusement au sol, respire au moment sa mélodie, son orchidée chérie, diffuse dans sa chambre le meilleur des parfums. C'est si bon cet instant ici, maintenant, elle se sent un peu conne aussi, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis même la plante a l'air d'aimer, à mesure que l'énergie retombe, l'image de Malika lui revient. Oh. Une barbèche aux cheveux secs et à l'air idiot. Elle l'avait trouvé mignon au début, mais sérieux, n'a rien mentir. Aubry sourdement en repensant aux plaisanteries d'Eliott à son sujet. Mais rien à faire. Femme, c'est que des enfants. Comment dire? Ensemble. Avec Obé Elliott. Je sais pas, mais ça a l'air incroyable, mais des fois on change comme ça du jour au lendemain. Des fois on s'en prend tellement dans la tronche qu'on fait un pas dedans de côté, on se regarde de biais, on se dit Burke, plus jamais ça. Une vie, une seule vie à vivre ici et maintenant. Ici et maintenant. On danse. Dansons, urinons sur nos pièces dorées, entourées de des orchidées, les amis. Ça va mieux, non? Comment dire, ce n'était pas la fête ce matin-là. Mal de crâne, des fracas sur la veille, ou juste trop de journées sans dormir, alors se réveille. Quand elle ouvre les yeux, Malika était dans un salon débordé de bouteilles partout. Et elle rentrait, elle finit présentant une orchidée urine déchue en lui disant: je suis venue ta mère en cadeau. Je suis rendue compte cette nuit que je n'allais pas bien du tout. C'est là, tienne. Veux-tu que je la pose? Dis-moi que je t'aide. Tiens, un éperlan. Malika, entendons par Malika toute personne réprouvant toute originalité possible dans les relations. C'est une jeune femme qui voulait répondre à l'image de la femme qu'elle avait cultivée dans son imaginaire. C'était impossible d'avoir une femme dans son salon qui lui parla avec tant de liberté. Elle trouvait ça vulgaire, elle se mordait les lèvres de ne pas bien comprendre comment ce salon, son chez-elle, présentait des signes complètement inattendus qui jusque-là étaient réservés avec un sauterelle. Alors, elle n'avait pas la meilleure sorte de ce qu'elle avait, tu sais, de fatigue. Et elle se sentait un peu plus belle, un peu plus elle-même, en passant devant son miroir. Pour le moment, ce fut la solution. Ça va mieux, non ? Déconstruction de la misogynie intégrée, terminée.